16-18 France Bleu Maine. Le 16-18 France Bleu Maine. Ogni istante rausole, in ogni giocco di campana, si per me l'alto vanale, a mio strada, a mio funtana, o la mia bandera, o la mia bandera, tiro la mia bandera, in ogni fiume chi corre, in usa braccia un mare, in aianna di albore, si per me a stella ardente, guida di un messembolore, o la mia bandera, o la mia bandera, ti ecco la mia bandera, in ogni monte scolpito, non di Lareggio, ogni Lecce, non di Gaspagno, si per me la scorza vita di l'arburo sembra rito, o la mia l'agnello ci ha urlato, si per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio con la mia bandera. Hola. Jusqu'à 18h, c'est le 16-18 France Bleu Maine. Psychiatric hospital.

connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Maine. 17h sur France Bleu Maine, merci d'être avec nous. Excellente fin de journée. Max Martin, bonjour. Bonjour Maxime. Votre météo en Sarthe avec encore de la pluie et des nuages pour nous accompagner pour cette fin de journée. Quelques éclaircies quand même qui ne sont pas à exclure selon Météo France. Demain, le temps sera instable toute la journée. On pourrait voir le soleil comme des averses. On y revient à la fin de ce journal avec vous, Max. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'arrêt cardiaque. À cette occasion, l'hôpital du Mans réalise une journée de sensibilisation. Ce soir, une conférence a lieu à 21h sur cette thématique. Une conférence dans laquelle prendra la parole Georges Eddy, journaliste sportif à Canal+, et grande voix du basket en France. Georges Eddy était l'invité de France Bleu Maine ce matin. Son interview est à retrouver sur francebleu.fr. Israël vient d'annoncer l'autorisation d'une entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte, après l'explosion d'un hôpital à Gaza hier soir qui a causé la mort à plus de 450 personnes selon un nouveau bilan du ministère de la Santé du gouvernement Hamas. Elisabeth Borne, de son côté, a annoncé la mort de 24 Français depuis le début des attaques il y a 11 jours. 7 personnes françaises sont encore portées disparues. Une dizaine d'aéroports français, dont celui de Nantes, de Nice et de Paris-Beauvais, ont été évacués en fin de matinée et un peu après-midi en raison de menaces d'attentats. Le trafic aérien de certains de ces aéroports est encore perturbé. Des menaces qui se multiplient après l'attaque terroriste qui a coûté la vie au professeur Dominique Bernard. C'est le 5e débrayage en 8 jours pour chez Classe Tractor au Mans. Ce matin, 70 salariés étaient en grève et ce pendant 1h30. La CGT réclame une augmentation salariale de 7%, non seulement en vue de l'inflation, mais aussi en vue des résultats records pour la filiale française. Ça a été annoncé hier en Allemagne. On en reparlera dans le journal de 18h. La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka est revenue en France depuis hier. Elle était retenue en Iran et ce depuis 4 ans où elle était accusée d'atteinte à la sécurité nationale. Toutes les infos sont à retrouver sur francebleu.fr. La cour d'assises du Maine-et-Loire rendra son verdict ce soir dans l'affaire du meurtre de Bilal, mort à l'âge de 18 ans par balle en 2017 à Angers. L'accusé principal, un manceau, est jugé en son absence puisqu'il a fui en Tchétchénie, là où il est originaire. L'avocat général requiert 30 ans de réclusion criminelle. Il demande également un mandat d'arrêt international. En Sarthe, le service des urgences de Saint-Calais sera fermé vendredi. Une fois de plus, l'hôpital est confronté à un manque de personnel. Le service ne peut donc pas fonctionner correctement. Les urgences réouvriront samedi à 9h. Glickenhaus aux 24 heures du Mans, c'est terminé, du moins en hypercar. Après 3 participations, l'écurie américaine se retire de la catégorie reine de l'endurance auto. Il n'arrive plus à concurrencer les poids lourds de la discipline. Les grands constructeurs comme Ferrari, Porsche ou encore Toyota, Glickenhaus veut se consacrer désormais aux voitures de série. Le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France pour les équipes des Pays de la Loire, c'est ce soir à 19h. L'événement sera retransmis sur la page Facebook de la Ligue de Foot. En Sarthe, Le Mans FC, Coulaines et Changer sont les derniers clubs en lice. Un petit point météo, Maxime ? Oui, avec encore pas mal de nuages, hein, selon les prévisions de Météo France. On aura quelques averses qui sont possibles jusqu'à ce soir. Petite amélioration également, potentielle, avec quelques éclaircies. Cette nuit, ce sera de nouveau nuageux, quelques averses qui sont possibles. Le mercure qui ira cette nuit entre 13 et 14 degrés. Demain, le temps est instable tout au long de la journée. Si le soleil parvient à faire quelques percées, les averses sont aussi possibles. Là aussi, selon les prévisions de Météo France, sachez que le mercure demain ira jusqu'à 19 degrés. On file sur la route maintenant à 17h04 pour vous dire qu'il y a un petit peu de monde, notamment si vous empruntez la rocade depuis Sarget ou encore Coulaines, destination Évry-l'Évêque. Vous allez arriver vers le rond-point de Bénère. Soyez vigilants parce que on roule à 25 km/h en moyenne, plus 4 minutes sur le temps de trajet habituel. Ralentissement aussi à prévoir sur l'avenue Bollé, sur l'avenue Jean Jaurès. Vous êtes au ralenti également à l'heure actuelle sur le boulevard Anatole France, pas très très loin notamment de l'île aux Planches. Quand vous voulez prendre la rue à Paul Courboulet ou celle du boulevard de Morieux. Le boulevard de Morieux, dans les deux sens de circulation, c'est compliqué. À côté de l'usine Yoplait, du stade Pierre Piffaut, le boulevard Pierre Le Faucheux également. Quand vous arrivez d'Arnage, sur ce même rond-point, la patte d'oie d'Alonne donc. À Arnage, justement, c'est compliqué, avenue nationale à l'heure actuelle. À Sablé-la-Flèche, il n'y a pas de gros ralentissement à vous signaler. Sachez que tous les trains sont à l'heure également en gare SNCF du Mans et de Sablé-sur-Sarthe jusqu'à 18h30. Et le prochain point sur l'actualité, c'est à 18h. Le 16-18 France Bleu Maine. Le 16-18 France Bleu Maine. Maxime Bonhomet. C'est un plaisir d'être avec vous pour une nouvelle fin de journée ensemble. J'espère que vous allez bien ce mercredi. On va vous parler rugby, bien sûr. Vous en avez l'habitude, votre mag sur la Coupe du Monde, c'est à partir de 18h. Et puis également, on parlera de boxe parce qu'il y a un très bel événement qui se déroule dans notre département. Antares, pour être tout à fait précis, ce sera vendredi soir. D'ici là, on va s'intéresser à un spectacle entre One Woman Show et conférence. Ça se déroule au CGR de Saint-Saturnin dans les tout prochains jours. Demain, pour être tout à fait précis, à 19h30. On va vous en dire plus dans les prochaines minutes. Le 16-18 France Bleu Maine. Le 16-18 France Bleu Maine. Et la musique également avec Marina Kay et Homeless. Homeless, Marina Kay à l'instant sur France Bleu Maine. Le 16-18 France Bleu Maine. Le 16-18 France Bleu Maine. Et sur France Bleu Maine, chaque jour, on vous parle d'idées de loisirs, de culture à faire dans notre département. Et en voici une qui ne manque pas d'originalité. Ce matin, Sophie Elie et Grégory Régnier qui nous ont parlé d'un spectacle hybride, on peut le voir comme ça, entre One Woman Show et conférence qui sera joué demain soir dans l'une des salles de cinéma du CGR de Saint-Saturnin. Et son titre, Le génie est en vous. Et celle qui l'a imaginé est avec nous sur France Bleu Maine. Bonjour Isabelle Deslandes. Bonjour Sophie. Je parlais de spectacle hybride. C'est vrai que vous-même au départ, vous vous saviez pas trop comment le définir, et vous vous êtes dit, bah, c'est moi tout simplement, et conférence gesticulée, c'est ce qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Oui, alors c'est à force de faire plein de mots, on finit par se dire mais c'est quoi que je fais exactement. Et puis cette conférence gesticulée correspond vraiment à ce spectacle. C'est mon expérience de vie tout simplement, trépidante ou pas d'ailleurs, facile ou pas facile non plus. Mais voilà, c'est, et puis une prise de conscience à la sortie de cette conférence gesticulée. Et que vous voulez partager avec les spectateurs qui sont invités donc demain soir à partir de 19h30 au CGR Saint-Saturnin, dans une salle de cinéma, c'est là que vous proposez cette conférence gesticulée. Oui, tout à fait. Moi, j'avais envie aussi que les personnes qui viennent me voir à ce spectacle, parce qu'il est quand même assez long, je laisse la surprise pour les personnes qui viendront, soient confortablement installées. Et pour moi, c'était une priorité, cela. Et puis, j'avais besoin de ce côté cocooning, et j'avais besoin aussi de pouvoir faire une mise en scène et une déco de scène. Donc, il fallait que j'arrive à lier tout ça. Et puis, Laurent Baricot et Maxime du Méga CGR m'ont très, très bien accueilli et font tout pour moi, donc c'est parfait. Et ben on peut vous voir donc demain soir, hein, vous jouez ce spectacle depuis déjà plusieurs années. Alors aujourd'hui vous êtes artiste, humoriste, guérisseuse, professionnelle du bien-être et du développement personnel aussi, voilà, j'ai relevé tous ces termes-là. Oui, et puis un autre que je vous ai pas dit, mais ça c'était ma surprise, je suis aussi messagère du ciel, médium, mais je ne dis pas l'avenir. Voilà, d'accord. C'est ça l'humour, c'est que je ne dis pas l'avenir. Alors vous racontez aussi les trois femmes et les trois facettes de vie en vous, hein, lors de cette conférence, la femme go-go-go, la femme égozaine et la femme gozaine. Oui. Go-go-go, bah parce que j'étais chef d'entreprise, j'ai quatre enfants et je les ai toujours. Chef d'entreprise, comme mon mari me disait très souvent, tu es le cheval et on te suit, merci, t'es gentil. Et oui, en effet, après un dépôt de bilan en septembre 2019, 20 ans avant, j'avais découvert que j'étais guérisseuse et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de faire ce 360 degrés. J'ai été égo-zen, c'est-à-dire quand on est l'égo spirituel, en fait, hein, on croit qu'on a trouvé le Graal de la spiritualité et que la spiritualité va sauver le monde, je vous avoue que non. Et en fait, je me suis surtout aperçue que la femme go-zen était la femme que j'étais et que j'aime profondément, c'est-à-dire à la fois go-go-go et à la fois spiritualité, les deux me conviennent. Votre objectif, c'est de partager aussi, de donner de l'espoir peut-être à ceux qui rencontrent des difficultés ? Oui, j'ai envie de partager mon histoire. On me dit souvent que je suis inspirante parce que c'est un parcours qui est semé d'embûches. Je dis souvent, il y a des grains de sable, des sommets et des montagnes. Moi, je suis une oseuse, comme j'aime le dire. J'ose, j'ai toujours osé. Et aujourd'hui, oser, c'est de la magie. Et je veux vraiment montrer aux gens qu'oser, c'est magique. Et en plus, avec humour aussi. Oui, oui. Ça, c'est une belle façon de faire passer les messages. Autrement, c'est pas drôle. Oui, voilà. Comme c'est bien dit. Voilà. Le génie est en vous. Hein, ça veut dire aussi qu'on ressort de ce spectacle. Alors, il faut aller voir le spectacle avant, Grégory. Je suis désolée, pour l'instant, il y a cette étape qui manque. Okay, mais on ressort de ce spectacle enrichi de votre expérience. C'est un petit peu comme ça que vivent les personnes. Et puis, les gens font des ponts avec leur propre histoire. Voilà, c'est ça. Donc, le génie est dans chacun d'entre nous. Ben oui, notamment en vous, Sophie, également. Le génie est en vous, c'est le titre de ce rendez-vous original. Rendez-vous donc demain à 19h30 au CGR de Saint-Saturnin pour réserver vos places. C'est en ligne, vous trouvez le lien, bien sûr, sur francebleu.fr, mais également nous appelons au 02 43 29 10 10. On va vous parler dans les toutes prochaines minutes de Charles Christ. Est-ce que vous connaissez une entreprise de conserverie qui est basée à Conneray, qui recrute en ce moment? On va vous donner les offres à pourvoir juste après le nouveau titre de Zaz avec Léo Rizza. C'est maintenant sur France Bleu Maine, 17h13. Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse, je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des cours, quand je prendrai ma respiration, destination et je rejoins. Sin nadie detrás. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Caminar sin pensar. veces recuerda que el bosque es más grande que tú. Zaz avec Léo Rizzi. Nouveauté à l'instant sur France Bleu Maine. On parle maintenant emploi avec l'Écho d'ici, votre rendez-vous sur l'économie sartoise. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une entreprise de Conéré. L'heure est au recrutement pour cette entreprise familiale. S'appelle Charles Christ, créée Bruno Vendestic en 1929. Oui, l'entreprise Charles Christ à Conéré, entreprise de père en fils recrute. En effet, nous allons parler avec vous, Juliette Lubin. Vous êtes responsable ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Avant de revenir sur les postes à pourvoir, les décrire avec vous, allez, un mot sur cette entreprise Charles Christ aujourd'hui, ce qu'elle fait et combien de personnes elle emploie également au quotidien. Oui, alors Charles Christ, donc on est situé à Conéré, hein. On est une entreprise familiale, on est une conserverie depuis 1929. On est spécialisé dans les plats cuisinés, les légumes et la lactofermentation. On est à peu près 90. Et c'est en effet un effectif qu'il faut continuer d'étoffer. Vous recrutez pas mal de postes à pourvoir dans différents domaines. Tout à fait. Donc on a sur nos fonctions support, on recherche un chef de projet marketing, ouais. Également un poste de responsable de contrôle de gestion et système d'information, des opérateurs de production pour nos différents ateliers, puisque on recherche pour notre atelier fabrication, charcuterie, magasin, mais également des saisonniers pour notre atelier de choucrouterie, puisque nos choux viennent en direct de nos producteurs locaux, 30 km autour de l'usine. Oui. Donc cet atelier, on a besoin de personnel supplémentaire pour renforcer nos équipes. Et enfin, nous avons un poste de régleur de ligne également à pourvoir. Un régleur de ligne fait quoi chez vous ? Un régleur de ligne fait quoi chez nous ? Eh bien, c'est les petites mains qui travaillent pour mettre en place notre ligne de production avant que la production ne démarre. Par exemple, quand on a des changements de format, c'est la personne qui va régler toutes les machines pour que la production se lance. C'est un petit peu comme une équipe sportive, finalement. C'est du collectif, tout ça. On a besoin des compétences des uns, des autres pour au final aboutir à la perfection. Tout à fait, chez Charles Christ, c'est ça, c'est un très beau collectif au quotidien, des petites mains qui sont toutes complémentaires. Alors évidemment, on n'en est pas responsable contrôle ou opérateur de production, il faut avoir peut-être une première expérience déjà, voire aussi accepter un accompagnement de votre part pour une formation et mieux intégrer l'entreprise Charles Christ. Alors effectivement, pour les postes en production tels qu'opérateur, régleur de ligne, saisonnier, on n'a pas de prérequis particuliers, on accepte de former les personnes, si ce n'est que les personnes soient sérieuses et motivées pour rejoindre notre aventure. Il n'y a pas de raison. Juliette Lubin, c'est important aussi le savoir-être chez vous, d'autant que là, il s'agit de rejoindre une équipe déjà dynamique, avec aussi, et c'est important, de belles perspectives d'évolution. Oui, on a des perspectives d'évolution en interne. On a des beaux exemples chez nous, des personnes qui ont commencé en opérateur de production et qui ont monté les échelons petit à petit. C'est recrutement, c'est évidemment maintenant, d'ici à la fin de cette année 2023. Oui, on espère trouver nos perles rares pour nous rejoindre d'ici la fin 2023. Et puis évidemment, on aura des nouveaux recrutements sur 2024. Merci beaucoup, Juliette Lubin. On vous dit à très bientôt sur France Bleu Maine. Merci, à bientôt. Charles Christ recrute, et si vous êtes cette perle rare, comme le disait Juliette il y a quelques instants. Les infos pratiques pour candidater, vous les obtenez en appelant France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. Merci beaucoup Bruno Vandestick. L'écho d'ici se réécoute quand vous le souhaitez sur francebleu.fr. Dites, ça vous dit des croissants ? France Bleu Maine vous les offre avec la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de la Sarthe. Rendez-vous du lundi au vendredi à 7h40 pour découvrir le mot de passe et la boulangerie participante. Les 4 premières personnes à pousser la porte de la boulangerie gagnent 4 délicieux croissants. France Bleu Maine vous offre les croissants pour le petit déjeuner jusqu'au 20 octobre avec la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de la Sarthe. Préférez MAF Pro. Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Le 16-18 France Bleu Maine. Le 16-18 France Bleu Maine. Maxime Bonhomet. Restez avec nous, on a des invitations pour vous pour aller voir Le Mans Sarthe Basket face à Cholet. La rencontre, c'est samedi soir à 18h30 à Antares. C'est un derby, ça se gagne. Et pour le gagner, on a besoin de vous. Et puis également, on va s'intéresser à la télévision. Télévision ce soir, Patrice Gascoigne qui va vous conseiller de regarder la série policière Les Invisibles. Juste avant ça, un petit classique de Christophe Maé. Ça fait jamais de mal. Je me lâche sur France Bleu Maine, 17h22. Non, c'est pas que je n'aime pas mon job, mais j'en peux plus d'être au service de mon boss. J'ai de lui dire vous êtes aussi con que moche. Donc y a des jours où je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Ouais, je veux que l'on me lâche, j'ai besoin de prendre l'air.

C'était Jane à l'instant sur France Bleu Maine. À 17h31, c'est le moment de jouer avec nous. Le MSB qui affronte Cholet. Nouvelle rencontre de Betclic Elite. C'est ce samedi à 18h30 à Antares. Et en plus, quel match, est un derby. Ça fait partie des plus gros matchs qu'il va y avoir au cours de cette saison, avec une très très belle ambiance, à n'en pas douter. Le MSB qui a besoin en plus d'une victoire. C'est vrai que le début de saison est un petit peu compliqué. Heureusement qu'il y a eu une victoire hier en Champions League, la Coupe d'Europe. Victoire face à Peristeri. D'ailleurs, c'est un club de quel pays, Peristeri ? République tchèque ou Grèce ? C'est la question que je vous pose maintenant. 02 43 29 10 10 pour gagner deux invitations pour aller voir le MSB jouer face à Cholet, l'équipe de Peristeri que le MSB a affronté hier, que le MSB a battu hier aussi, est un club de quel pays ? La République tchèque ou la Grèce ? Vous avez la bonne réponse, vous nous appelez maintenant. 02 43 29 10 10. Bonne chance à toutes et tous. Voici la musique de Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. Et puis, juste après, on se retrouve pour peut-être faire un heureux et passer une très très belle soirée samedi soir. Tu pourvu qu'elle soit douce. C'était Mylène Farmer à l'instant sur France Bleu Maine. Depuis Écomois, Annie est avec nous. Bonsoir Annie. Oui, bonsoir Maxime. Deux places peut-être pour vous pour aller soutenir le Mansart Basket face à Cholet. C'est le derby samedi 18h30 en Tarrés. Pour cela, il faut répondre à une question. Hier, le MSB a brillamment battu l'équipe de Péristerie. C'est un club qui nous vient de quel pays ? La République tchèque ou la Grèce ? Non, ça vient de Grèce. Ça vient d'Athènes. Voilà. Et Athènes, c'est la capitale de la Grèce. De la Grèce. Exactement, voilà. Annie. La culture générale, la géographie n'a pas de secret pour vous, j'ai l'impression. Peut-être. Bon, félicitations Annie, le MSB. Ça va être un beau match. Ça va être un très beau match face à Cholet. Oui, alors, on va peut-être pas voir un 96-68 cette fois. Hein. Peut-être pas. Peut-être pas, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais bon, bah, écoutez. On sait jamais. Imaginez à ça. Là, je vais en parler avec les joueurs du MSB. Je vais leur dire Annie, elle vient, il faut une victoire. Oui, c'est ça. Mais on sera là debout pour les supporter. Hein, ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va leur faire plaisir. Annie, quoi de prévu là ce soir chez vous ? Racontez-moi. Ce soir, bon, écoutez, petite cuisine en fin de journée. Là, on va faire une petite quiche au poireau, tiens. Oh, bah, c'est bien. Bah, écoutez, profitez-en dans ces cas-là, Annie. Et je vous dis à bientôt sur France Bleu Maine. Entendu, bonne fin de journée à tous. Au revoir. C'est gentil, merci beaucoup Annie. En parlant d'ailleurs du MSB, sachez que demain, dans 100% Sport à 18h30, notre invité sera Abdoulaye Ndoye, le joueur du MSB, qui est passé également par la formation du Cholet Basket. Le 6-9 France Bleu Maine, du lundi au vendredi, c'est de l'actu locale toute chaude. Du suspense, des affrontements, de la sueur. Les conditions de circulation, votre météo, mais toujours avec optimisme. Il fait frais, il fait gris, et puis en plus, il va y avoir de l'orage. Des invités, de la musique et surtout de la bonne humeur communicative. Ah, c'est super, ah, super. Merci beaucoup. En bref, de 6h à 9h, c'est un petit déj à déguster sans modération sur France Bleu Maine et France 3 Pays de la Loire. À demain. Le 16-18 France Bleu Maine. Le 16-18 France Bleu Maine. Maxime Bonhomet. Il est 17h39 sur France Bleu Maine. Coup d'œil sur votre météo pour vous dire qu'on aura encore quelques averses selon les prévisions de Météo France avec les nuages également avec nous jusqu'à ce soir, même si il y aura une petite amélioration prévue avec la possibilité de revoir potentiellement le soleil. Le mercure cette nuit entre 13 et 14 degrés avec des nuages et puis le temps sera instable demain tout au long du jeudi. Hein, d'ailleurs, le soleil pourrait faire quelques apparitions, les averses également. Sachez que le mercure affichera demain jusqu'à 19 degrés. On file sur la route pour vous dire qu'il y a du monde, notamment si vous arrivez depuis le rond-point de Beauregard. En tout cas, vous arrivez sur la rocade vers le rond-point de Beauregard, vous êtes au ralenti. Difficulté aussi pour arriver vers le centre-ville du Mans depuis l'avenue Henri-Pierre-Clotz. Sur l'avenue Bollé, c'est encombré également, tout comme sur l'avenue Jean Jaurès, sur une bonne partie de la rocade sud, le boulevard d'Estienne-Dorf notamment. Sachez qu'il y a aussi des ralentissements qui sont à prévoir si vous empruntez le boulevard Pierre-le-Faucheux entre Arnage et Le Mans. En dehors du Mans, ça circule bien à Guessela, à La Flèche, à part sur l'avenue Oberkirchen où il y a un petit peu de monde, sinon il n'y a pas de difficulté. Et à Sablé-sur-Sarthe également, pas de ralentissement majeur. Pareil pour le trafic ferroviaire, tout se passe bien, tant mieux, on en profite. On va vous donner des idées de sortie et puis également on va revenir sur un classique de chez Classique de Céline Dion dans France Bleu Collector. Je vous en parle dans un instant, juste le temps d'écouter Black or White de Michael Jackson. Belle fin de journée avec nous sur France Bleu. Black or white, don't you dare.

pour que tu m'aimes encore. Céline Dion dans France Bleu Collector, à retrouver sur francebleu.fr. Il y a les informations de 18h qui arrivent dans quelques instants, votre émission de rugby également qui va suivre. Et viva la vida, ça c'est Michel Fugain pour la suite en musique de votre fin de journée. Tu claques la porte et tu descends l'escalier. Vida, c'était Michel Fugain sur France Bleu Maine. Dans quelques instants, les informations de 18h. Et juste après, on parle rugby. On aura notamment l'occasion de s'intéresser à la sécurité avec le niveau Vigipirate qui est relevé. Le président de France 2023 sera notre invité. On parlera aussi du coq sportif. Rendez-vous dans un instant. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver.